listening to Overdrive on Radio Dio. We'll be right back. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture. Et Rio Smith pour un excellent disque des années 80, l'album sur lequel ils faisaient un petit peu leur retour. Permanent Vacation, ça a vu le jour en 1987. Voilà qui ne nous rajeunit pas. On aura de la bonne musique, donc restez bien calés derrière votre tuner, dans votre rocking chair pour Overdrive, et ce sera ici l'album de reprise de Slash pour débuter l'émission avec cet album Orgy of the Damned qui vient de voir le jour sur le label Gibson Records. Ce sera des reprises de funk, de également bien sûr blues, de rhythm and blues tel que c'était pratiqué dans les années 60-70. Un invité, beaucoup de beau monde sur cet album, et ce sera le morceau Born Under a Bat's Hand sur lequel on retrouve le chanteur de Batco avec Paul Rogers. Crawl for one for bad luck. Oh, oh, oh. Yes, excellent, excellent que ce dernier album de Slash, tout de suite sur Overdrive Radio Dieu. Vous écoutez toujours de la musique qui pulse un petit peu doucement, il faut bien l'avouer. En tout cas, ça reste toujours aussi bon. C'était Slash avec son dernier album, OG of the Damned, Born Under a Bad Sign, tout de suite sur Overdrive. On continue maintenant avec le projet, un peu side project du chanteur, enfin plutôt claviériste de Heat, ça s'appelle New Horizon. Il sort cet album Conquerors sur Frontiers Records et on envoie ça tout de suite dans une veine assez power metal. Hail King of Kings, flying angel without wings, long may he live unto his glory we sing. Never thought, meant to rise upon the earth. Yes, super sympa ce Power Metal de New Horizons avec cet album Conquerors qui voit le jour sur Frontiers Records. Vous êtes toujours à l'écoute d'Overdrive et on va continuer maintenant avec le retour du Black Country Communions, ce super groupe paru au milieu des années, enfin plutôt au début des années 2010 maintenant, qui nous avait sorti là 3 ou 4 albums qui étaient très bons. Donc on retrouvait Glenn Hughes au chant, le Stakhanovis de la guitare, Joe Bonamassa, bien entendu, à la guitare. La batterie, c'était Jason Bonham, fils de John Bonham de Led Zeppelin. Et pour compléter ce line-up de rêve, on retrouve Derek Sherinian, qu'on a vu au sein de plein de projets. Voilà pour le Black Country Communion. Ils nous ressortent un album qui s'appelle Five, donc ça doit être le cinquième album du groupe, si je ne m'en trompe pas. Et ce sera le morceau Stay Free. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. So long to the past, on a butterfly wing. Vous venez d'entendre Alterium avec ce Siren's Crawl, extrait de cet album Of War and Flames qui vient de voir le jour sur un FM Records. Voilà, du power metal, encore une fois, on a enchaîné là un peu de classic rock avec du power metal pour se passer, on va dire, différentes ambiances. Ce que j'aime bien faire dans Overdrive, du metal tout style, du plus mélodique au plus extrême. Donc après ce Alterium qu'on vient d'écouter, on va passer à une production un peu plus modeste avec ce Upart qui nous sort cet album Echoes of Shadavar, sorti il y a 2 ans, en 2022, et ce sera le morceau Transmutation qui nous sort pour ce groupe émergent qui mélange un peu, on va dire, une certaine métal, un certain métal progressif. Yeah! Yes, vous venez d'entendre Sleazy Towns après, enfin non plutôt Upart, et maintenant on va passer à Sleazy Towns. Sleazy Towns sorti sur le label MNO Music à la fin du mois d'avril. On y trouve un double album par ce groupe français qui nous joue du hard sleaze, tendance un petit peu southern, avec un gros son, et puis ils ont mis des efforts dans la production. Ce sera Mystic Religion, extrait de ce Unfinished, paru en deux parties, donc One and Two, double album, de quoi se faire plaisir. Ce sera Sleazy Town, Mystic Religion, vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Just spiritual ride, invoking Mary's name. Yes, vous venez d'entendre ce groupe Lovelorn Dolls et ce Heart Cries pour les amateurs de métal très mélodique. Encore une fois, teinté de groupe à chanteuse, on pourrait dire. On va vraiment maintenant se différencier, passer à quelque chose de complètement différent. Avec Warlock qui nous a sorti un nouvel EP, Loveless. Ça, c'est paru à la fin du mois de mai sur la Clonosphère et ça fera plaisir aux amateurs de musique industrielle, tendance atmosphérique et un peu grunge et rock, en tout cas sur les bords. Voilà, tout de suite, s'extrait de cet album, de cet EP Loveless. On va s'envoyer le petit morceau qui s'appelle Cold Blood. Après Warlock, on va revenir à des terres plus métal avec le groupe de Grenoble Nightmare qui nous a sorti ce dernier album. Ça s'appelle Encrypted. Tout de suite, ils nous ont présenté leur nouvelle chanteuse. On va s'envoyer ça très rapidement dès qu'on aura fini de faire nos petits préparatifs ici dans les studios de la radio. Donc Nightmare, on les avait vus du côté de du Plein Air Fest l'année dernière. Ils nous avaient présenté leur nouvelle chanteuse. C'était un très on va dire une bonne prise pour Barbara. Et ici ils nous sortent là leur dernier album, toujours un énorme son, et d'un point de vue vocal elle arrive à montrer un petit peu l'étendue de sa palette. Donc on va écouter ça tout de suite dans Overdrive sur Radio Dio Nightmare avec ce morceau Voices. Oui, donc je le disais, Voices from the Other Side, tout de suite par Nightmares. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Dio. Il est 22h passé de maintenant 22 minutes. Yeah. Yes, vous venez d'entendre Nightmare Voices from the Other Side tout de suite et on va passer maintenant dans une veine plus extrême avec Hellbutcher. Hellbutcher qu'on a contenu au sein de Niflheim qui nous sort cet album sur le label Metal Blade. Ça fera plaisir aux amateurs de métal extrême assez typé 90s, donc une production qui se veut assez raw tout de suite, et on en voit tout de suite cette jolie petite déflagration sur cet album éponyme de Hellbutcher. Hellbutcher, tout de suite, ça fait pas vraiment de quartier avec ce premier album éponyme qui vient de voir le jour sur Metal Blade par le leader de Niflheim. Tout de suite, donc on va passer maintenant à un réenregistrement. Donc une tendance qui a vu le jour dans les années 2000-2010, donc des groupes cultes qui ont commencé à réenregistrer certains de leurs classiques. On peut penser à Exodus qui a réenregistré Bounded by Blood, et ici les frères Cavalera qui reprennent le début des années Sepultura. Donc ils ont fait Troops of Doom, ils ont fait également le premier EP, et là ils nous sortent ce Schizophrenia, donc qui était un peu le premier album avec Kisser. Ça doit être un Kisser à mon avis qui doit faire un peu la tronche, Kisser qui est accompagné et qui est occupé actuellement sur la tournée d'adieu de Sepultura. Donc les frères Cavalera d'une certaine façon se réapproprient leur back catalogue en sortant cet album Cavalera de Schizophrenia, et on pourra jouer un petit peu aux différences en écoutant ce From the Past comme The Storms tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Excellent que ce Rotting Christ tout de suite sur Overdrive avec Like Fiver Like Christ, extrait de cet album Pro Christus sorti sur Season of Mist, et on reste sur le même label avec Sick maintenant, qui nous sort du métal extrême assez technique. We'll be right back. Yes, voilà pour Sec tout de suite. Et on continue avec les patrons du Death, Severe Torture, qui nous reviennent avec leur dernier album. Ce sera le morceau Marked by Blood and Darkness, extrait de leur album. C'était Torn Between, Torn From the Jaws of Death. Tout un programme pour Severe Torture. Maintenant, pour du gros death, tâche. Thank you. Voilà, Overdrive sur Radio Duo, c'est terminé pour ce soir. On se dit à dans deux semaines. Normalement, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission pour cause de fête de la musique. Le tribute au Rose, tribute to Saxon, devrait se produire du côté de Craintieux s'il n'y a pas d'orage. Voilà, on vous remercie pour l'écoute. On se rappelle le www.radioduo.org et le www.facebook.com/overdrive-radioduo pour retrouver les références des morceaux ainsi que les liens des podcasts si vous les retrouvez. On se quitte au son de Fury Weekend et de ce Galaxy of Love qui devrait faire bouger peut-être dans vos salons comme si vous étiez dans un dance floor. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. I'm so exiled, but you bless me to enjoy.